assez fou. Les extrêmes, ça nous anime. C F O U 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. La chronique juridique et judiciaire de Michel Lebrun, panier à salade. Kiwa la liberté est en direct de l'Alberta pour sa chronique musicale Kiwa en cavale et on mérite notre diplôme en connaissance générale avec C'est un fait. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 2 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau n'est pas là, il est mort. Ah ah! Non, il est enceinte. J'aimerais pas que je fasse ça. Hein? Poisson d'avril? Poisson d'avril. Oh, t'as volé mon... Je voulais commencer comme ça aussi. Okay. Je veux dire, je lâche l'émission du matin, Assemblage requis. Non! Mais là, tu divorces devant ta maison, c'est ça? Devant. Quand même. Poisson d'avril. Oh, t'as mordu! On n'est pas le bonjour! Non. Mais hey, bonjour. Bonjour. C'est ça. Hier, on n'était pas là, toi et moi. Par contre, on a très bien imité. Quelqu'un nous a imité l'émission de mercredi passé. Ah oh! Il y avait une imitatrice de Stéphanie Paradis, une imitatrice de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Tout ça dans le même ordre que la semaine passée, c'était incroyable. Ils ont du talent. C'est des gens de talent. Vraiment, on devrait les engager. Oui. Comme ça, on aurait deux fois plus de gens pour le même bruit. Ah, je pensais que t'avais dit que t'aurais 2 heures de plus de sommeil. Ah! Ah, ben c'était le fun, par contre. T'as passé une belle fin de semaine de... Le Pascus? De Pascus? Oui, j'ai mangé du couscous. Couscous? Oh. Oui, une belle fin de semaine de Pâques, hein? Où, ben oui. Roche de sucre, on essaie de s'en remettre. J'ai mangé un petit lapin dur, mais tu sais, les petits, de Dollarama. Un petit lapin dur? Maintenant, j'ai besoin de d'autres petits lapins durs. Moi, j'ai mangé un lapin mort. Tu l'as tué avec... Mes dents, tes dents! J'aime ça. Donc voilà, on est de retour en direct. Oui, c'est tout à fait vrai. Hier, C'est fou, roulait à merveille, mais avec que des reprises. Aujourd'hui, on est là pour vrai. Il est 7h06. Fait qu'on vous ment pas. Pis fait frette. Combien? Moins 14 cette nuit? Ça faisait longtemps que j'avais pas dit. Ouais, ça surprend. Ouais. Hier, on s'est vu. Hein? C'est pas parce que C'est fou jouait qu'on n'était pas là. Nous, on était ici sur place, mais on n'avait pas d'émission à 7h le matin et on était bien, bien reconnaissants. Oui, mais il faisait chaud, j'étais juste en chandail. Ouais. Fais de mon anecdote. Hein? Comme ça. Est-ce qu'on parle de l'émission d'aujourd'hui un petit peu? Oh, faisons ça. Oui. On a Michel Lebrun qui est là à 8h, fidèle au poste, comme toujours, avec sa chronique panier à salade, un petit sujet judiciaire qu'il va nous partager à 8h. Ensuite de ça, en fin d'émission, 8h40-45, c'est toujours l'heure aux 2 semaines pour Kiwan la liberté et Kiwan en cavale. Il nous parle de musique canadienne et aujourd'hui, il va nous faire entendre plein de choses. Scenic Route to Alaska, qui est un groupe d'Alberta. Torres, du Tennessee. Et The Deer Tracks, qui vient de Suède. Donc, un petit bloc international. On pourrait, mis à part nos chroniqueurs qui sont là, on pourrait faire une thématique genre Poisson d'avril... T'sais, on fait des gags, puis on fait des affaires drôles. Sans cesse. Tout le long de l'émission. Puis là, les gens vont rien comprendre parce qu'on est le 2. C'est vrai, hein? Mm-hmm. Ben, il faut prendre par surprise des fois, tu sais. Parce que sinon, tu t'y attends trop. D'ailleurs, en parlant de petites surprises, hier, c'était la fin de... Ben, remonte tes culottes, voyons. Oh, c'est parce qu'il fait froid. Oh! Petite tortue. Oui, vas-y. Hier, c'était la dernière de 19-2. Ah oui, vole-moi pas de punch, mais on sait c'est qui la taupe parce que tout le monde sur Twitter peut pas s'empêcher de l'écrire. Et hein? Voilà, puis faire des petites faces avec une taupe avec la face de la personne qui la taupe. Dedans. Sérieux, c'est parce que c'est pas tout le monde qui écoute la TV comme une espèce de zombie, tu sais, à exactement l'heure que ça a été diffusé. Il y a des gens sur la côte ouest, il y a des gens qui écoutent sur Bell Illico, whatever, à 1 heure ou 2 de délai. Non. Je répondrai à ça, ça vous apprendra. Mais comment? Parce qu'il y en a, mettons, qui vivent dans l'Ouest canadien. Non, c'est vrai. Les autres, ils l'ont pas, la station de l'Est. Là. Mais s'ils ont tapé hashtag 19-2 pour savoir ce qui se passait, là, c'est leur faute. Oui, mais j'ai pas fait ça. Non. J'ai essayé de pas le voir, mais je l'ai vu. Ouais, ça devait être assez intense. Je vais sûrement regarder la saison quand même, mais disons que quand tu sais à l'avance c'est qui, t'as un peu moins le fun. C'est un peu moins le fun. Parce qu'il y a des gens qui s'achètent les DVD aussi. Donc, je pense pas que tu puisses, genre, te déconnecter de Facebook, Twitter pendant, genre, les deux mois ou trois mois avant que le DVD sorte. Je pense pas que ça se fasse. Donc, retenez-vous un peu. Ah, il est trop tard. Parlant de télé? Oui. Tu savais pas que ça allait mener vers ça? Non. On fera télévision à 7h10, 15h. Ben, en fait, oui, je m'en allais le dire. Ah. J'allais dire, je peux pas attendre la chronique télévision de comme dans une minute. Faut bon, que je vous révéler, c'est qui, voilà, là? T'as un peu, là. Mais hier, on a reçu des gens pour, tu sais, l'écouter. T'sais, on était 4-5, là, juste chez nous à l'écouter. Un party. Ouais, un vrai party. Il y avait des pistaches. Tout, mais... Pas des pistaches? Oui. C'est ça la taupe, hein? C'est une pistache. Et puis, on a une amie qui est venue chez nous et qui nous a fait des gags. D'ailleurs, elle est arrivée avec un café de chez Tim Horton et un Bang Boston. OK, wow. Mais elle avait tout enlevé la crème Boston puis elle avait mis de la mayo dedans. Ah, mon ami s'est fait prendre! Oui. Oh, wow! Et puis, elle avait aussi déballé, tu sais, les cocos Kinder Surprise. Ouais. Elle avait fait cuire un œuf dur qu'elle avait trempé dans le chocolat, réemballé dans le Kinder Surprise. Hey, faut vraiment avoir du temps entre les mains. Hein? Oh, écoute, c'était beau. Moi, je ne me suis pas fait prendre. J'étais spectateur de toute cette mascarade. Est-ce que ça laissait des traces? Est-ce qu'il y a des vidéos de ça? Ben oui, il y a du vomi partout chez nous. Ah. Non. Non, j'ai pas de vidéo puisqu'on ne savait pas que ça allait arriver, mais c'était très cocasse, donc je la salue. Bonjour. Salutations. Salut, ben Tation, c'est un drôle de nom. Là. Salut, Tation. Tation. Je suis pas sûr que je vais appeler mon enfant de même, Tation. Ben là, fait que je te compte l'anecdote tout de suite. Je peux pas attendre de compter cette anecdote. On garde pas de punch pour plus tard. Aucun. À date, garder des punchs pour une anecdote future, ça a jamais été vraiment un succès à l'émission, mais bon. Donc, on va commencer l'émission tout de suite. Pourquoi pas, mon cher Jean-Philippe, parce qu'à un moment donné, on revient d'un long congé, en tout cas, pour certains. Hein. Mm-hmm. Et les gens s'ennuient de nous entendre jouer de la bonne musique, là. Puis à raconter des bonnes anecdotes. Mais vous allez voir ça, ouais. Au moins, là, j'avais un punch. Là, il y avait un punch. Une première dans l'émission. C'était rempli de petits jus à l'intérieur de ton beigne, d'anecdotes. Puis de jaune et de blanc. C'est ça. Tout ça pour dire que, oui, ça revient vite. Hein, vous savez, jouer de la bonne musique, on n'aura pas à chercher trop longtemps. C'est comme faire du vélo. Voici The Bicycles et Appalachian Mountain Station. T'es cute, hein, ça? Ça, c'était cute. On revient en force. Appalachian Mountain Station. I've been forgiven. Gave my man my explanation for all my sin. Playing straight. Appalachian Mountain Station. I've been. De Mountain. Ah non, c'est pas ça partout, c'est The Bicycle. Ouais. Ouais, avec Appalachian Mountain Cycle. C'est un risque à prendre de te le laisser dire. Ouais. C'est pas du tout. J'étais pas prêt. The Bicycle. Je savais que c'était The Bicycle, puis là, j'ai inversé les deux, puis là, j'ai paniqué. C'est comme inverser les petites roulettes. Oui. Ça va virer à l'envers. Ouais. Ou c'est comme enregistrer une émission qu'on veut pas. Oui. Ah, oui, oui, oui. Oh. Comme dans la chronique Télévision, Télévision. Télévision, Télévision, c'est évidemment la chronique télé d'assemblage requis. Rien de bien compliqué là-dedans, là, hein? Pas besoin d'un livre d'instruction comme pour un enregistreur numérique personnel. Ouais, puis faire à croire que t'as 3 ans de vaisselle à faire parce que tu peux l'enregistrer à cette heure avec ton téléphone intelligent. Oh! C'est une belle annonce. Oui, non, j'ai pas vu ça, mais je fais semblant. Donc, on commence avec un suivi d'une nouvelle de la semaine passée. Tu te rappelles, il y avait un gars qui était mort dans l'émission française qui était une adaptation Survivor. De Survivor. Exactement. Maintenant, le médecin de l'émission de télé-réalité Koh-Lanta se suicide. Ah! Coup de théâtre encore! Tellement. Donc, le médecin de l'émission phare de télé-réalité française, Koh-Lanta, s'est donné à mort lundi dernier au Cambodge, laissant une lettre posthume dans laquelle il dit avoir été sali dans les médias après la mort par crise cardiaque d'un candidat sur le tournage de l'émission. Je cite... c'est déprimant un petit peu. « Ces derniers jours, mon nom a été sali dans les médias. Des accusations et suppositions injustes ont été proférées à mon encontre. » écrit le médecin âgé de 38 ans dans la lettre dont l'agence France Presse a obtenu une copie par la société prestataire de la production de l'émission pour laquelle travaillait le praticien, donc Media Medic. Le suicide du médecin a été annoncé par la société Adventure Line Productions qui produit Koh-Lanta, qui est une version donc de l'émission britannique Survivor, diffusée celle-là sur TF1. Candidat Gérald Babin, 25 ans, est mort le 22 mars d'une crise cardiaque lors du premier jour de tournage de la 16e saison de l'émission dans l'île de Koh Rang, au large de Sihanoukville Sud. Les autorités cambodgiennes ont classé l'affaire, estimant qu'il s'agissait d'une mort naturelle, mais une enquête préliminaire pour homicide involontaire a été ouverte par la justice française afin de rechercher les causes de la mort. Dans sa lettre manuscrite, ça veut dire écrit à la main, Thierry Costa se dit certain d'avoir traité Gérald d'une manière respectable, comme un patient et non comme un candidat. Et je cite, « Même si je regrette cette fin malheureuse, j'ai agi conformément au serment d'Hippocrate et me suis entouré de vrais professionnels. » Selon ALP, Gérald Babin a été pris de crampes lors du premier jour suivant l'arrivée des participants sur le site. Il a été pris en charge par Thierry Costa qui lui a prodigué les premiers soins avant de décider de l'évacuer vers l'hôpital où il est mort. Jeudi dernier, ALP avait annoncé son intention de porter plainte en diffamation après un témoignage anonyme largement repris par un site consacré à l'actualité des médias, donc qui s'appelle Arrêt sur image, qui mettait clairement en cause l'attitude de la production et du médecin. Arrêt sur image dit avoir reçu ce témoignage d'un membre de l'équipe de la production présent au moment du décès. ALP a qualifié l'accusation anonyme de mensongère et odieuse. L'autopsie du corps de Gérald Babin n'a révélé aucune anomalie cardiaque ou vasculaire et des examens complémentaires ont été demandés. Après ce décès, dans un programme de télé-réalité français, TF1 a annoncé l'annulation de la saison 2013. Donc on dit que c'est un mélange de télé-réalité et d'aventure, Koh-Lanta alliant stratégie, survie et épreuves sportives dans des cadres paradisiaques. Un des plus gros succès de TF1, qui n'a plus de saison, et je pense que c'est la dernière affaire dont on devrait se soucier, les codes d'écoute de TF1. Uh-huh. Après la mort du gars. Mais là, j'espère que c'est pas comme tout arrangé. Oui, c'était pour... C'est vraiment de mauvais goût. C'est pour behind... the scene. The scene beyond the death. C'est le director cut. Oui, director cut. Ouais. donc, pas de mauvais jeu de mots là, sur la mort d'un gars. Koh-Lanta, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. On saura peut-être jamais si le médecin a vraiment eu un lien. Mais quoi que, j'imagine, avec la médecine de nos jours, savoir comment élucider la façon dont la personne est morte, ça pourrait se faire. On va suivre le dossier, évidemment. Maintenant, nouvelle très très brève pour se nettoyer un petit peu les oreilles de cette nouvelle déprimante. Eva Mendes, tu connais l'actrice Eva Mendes, qui apparemment n'a pas une voix assez intelligente. Eva Mendes vient de révéler avoir été doublée dans un film parce que le réalisateur trouvait que sa voix rendait le personnage moins intelligent. Elle a demandé une explication au producteur lorsqu'elle s'était rendue compte que c'était pas sa voix dans le film Exit Wounds en 2001, qui joue maintenant à la télé. Faut faire un lien avec la télé ici. Donc c'était un film horrible, mais j'avais un petit rôle. Je suis allé à la projection et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était pas ma voix. Ils avaient doublé ma voix. Et c'était pas une langue étrangère. C'était un film en anglais qui parlait en anglais. Un peu plus tard, tard, lorsqu'il a posé la question, on lui a dit qu'elle n'avait pas une voix assez intelligente. Elle avait été remplacée par celle d'une femme très bourgeoise. C'est dans un film avec Steven Seagal. Je trouvais ça drôle. Ça n'a aucun rapport avec la télé. Ben, écoute, si Steven Seagal joue dans ce film-là, ça doit être genre un grand cru. Vraiment, il a fait que des bonnes choses. Avec sa couette. Oui. C'est sa couette. C'est grâce à sa couette. Si on les coupe sa couette, il n'y a plus de talent. Et son non-emotional face. Sa face de gars qui n'a aucune émotion du tout. J'avais le goût de le dire en anglais. Ouais, parce que... c'était plus beau. Ouais, tu me doubleras dans reprise. Parfait. Ah, ce serait un bon poisson d'avril. Ça serait très drôle. Mais non, toi qui a perdu sa bosse dans le cou, j'imagine, est-ce que c'est le cas? Oui. Oui. Mon deuil est fait. Est-ce que, parce que j'ai vu que tu t'es fait à fait couper les cheveux, donc j'imagine que ça va. Tu n'as plus rien à voir. Cacher sa bosse dans le cou avec ses longs cheveux longs. Oui. Mais est-ce que tu as donc perdu tout ton talent? Non, ça va. À moitié-moitié. Okay. À toi d'en juger. OK, on va voir. On a toute l'émission pour le figurer. Un peu comme le gars de Koh Lanta. Hein, on va savoir. Pourrais appeler pour me sauver. Faites-le. Dehors l'appel. Maintenant, je sais pas, est-ce que tu as vu Kevin Ware de la NCAA, le basketball collégial, qui s'est cassé la jambe en direct à la télé? Mais non. Complètement cassé et fracturé. Et sur Twitter et Facebook, on dit en ce moment de ne pas aller voir cette vidéo-là parce que c'est très, très, très difficile à voir. Imaginez comment c'est difficile à vivre quand c'est une jambe, mais juste le voir, il y a des gens qui ont des petits hauts le cœur et des... Tu vois. Mais ça donne le goût d'aller l'écouter. Ben, je sais, mais je me suis retenu jusque-là et je sais pas si tu veux, est-ce que tu veux le regarder en direct. On va voir si tu réussis à vomir en même temps. cherche Kevin Ware, W-A-R-E, et puis j'imagine leg injury. Donc, c'est arrivé le 31 mars, donc dimanche soir. Le chirurgien qui s'est occupé de lui dit que sa chirurgie a été un succès. Il s'est levé, il est sorti en béquille de l'hôpital. Mais certainement, le sujet du moment, c'est est-ce que CBS aurait dû remontrer l'extrait deux fois de deux différents angles. Et extrait assez difficile à regarder, comme j'ai dit. ESPN, la chaîne câblée, l'équivalent de RDS aux États-Unis, le réseau de sport 24 heures, n'a pas diffusé du tout l'extrait. Eux qui diffusent seulement des extraits du match parce qu'ils n'ont pas les droits de diffusion du match en tant que tel. Donc, il y a certaines stations locales qui ont aussi rediffusé l'extrait de la blessure. Et il y a Yahoo News qui a mis un GIF animé. T'sais, les GIFs animés, c'est ce qui joue tout seul, que t'as pas cliqué play, et qui rejoue encore et encore et encore de la fracture. Je trouve ça complètement déplacé. Je veux dire, d'avoir une vidéo qui dit, bon, l'extrait qui suit pourrait ne pas être tellement plaisant à regarder. Mm-hmm. Et mettre un GIF animé sur ta page d'accueil où t'as pas le choix de le regarder si tu vas sur yahoo.com, je trouve ça particulièrement détestable. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de la diffusion de cet extrait-là? Je sais que tu l'as pas nécessairement vu encore. Non, je suis en essai de trouver le dit vidéo. Ouais. Mais est-ce qu'on sait si c'est accidentel? Il s'est fait claquer? Non, c'était pendant un move complètement normal de routine. J'ai dit, je suis pas allé le voir, mais je l'ai un petit peu lu. Il me semble que c'était un mouvement complètement routinier de basketball qui a mené vers ça assez horrible, apparemment. Ah ouais, OK, je viens de le voir. Ah oui, mais t'as pas le son, hein? Non. Mais ouais. Ben, moi, pour de vrai... Ça te dérange pas? Ben non. Ben, si les gens peuvent mettre ça, je peux mettre des vidéos de mon bouton. Non! Est-ce que t'as pris des vidéos de ton... Non, je sais pas faire ça. T'aurais dit. J'ai ça mentalement dans ma tête et je peux pas m'en débarrasser. Fait que s'il y avait une façon de vider ma tête... ben, apparemment, vider sa tête, c'est regarder cette blessure-là. Ouais. Donc, allez-y, cherchez Kevin Ware, leg injury ou NCAA. Voilà. Maintenant, parlons de séries télévisées un petit peu, là, parce que The Saint, tu te rappelles, Le Saint, c'est une série assez connue des années 60, mettait en vedette Roger Moore. Et ben, il y a une nouvelle version du Saint avec Adam Rainer qui a fait entre autres Haunted et Hawthorne, qui s'en vient dans le rôle de Simon Templar, donc un genre de maître voleur à la Robin des Bois, qui pourrait arriver à la télé bientôt. Sa collègue, sa co-vedette sera Elia Zedushku, qu'on connaît pour l'émission Dollhouse et Buffy contre les vampires. Elle va jouer le rôle de Patricia Home, qui est donc l'intérêt, le love interest du personnage de Simon Templar. Plein d'autres gens qui vont jouer là-dedans. D'ailleurs, Jesse Alexander a écrit le script pour la nouvelle incarnation. Lui qui travaillait sur Alias, qui jouait à ZTV dans le temps. Il a aussi travaillé sur Heroes. Il va y avoir une apparition de Roger Moore, en tout cas dans l'émission pilote. C'est celui qui jouait The Saint dans la série des années 60, comme on disait. Et Ian Ogilvy qui a ramené le personnage dans les années 70. Simon West, qui a réalisé Con Air, va être le réalisateur de cette émission pilote-là. L'émission qui n'a pas encore d'endroit pour être diffusée, mais les producteurs espèrent trouver un acheteur au MIP TV Market à Cannes la semaine prochaine. Donc, on va se tenir au courant de The Saint parce que c'est une série à succès quand même pas mal. Maintenant, parlons d'un film adapté à la télé. Gangs of New York, est-ce que ça dit quelque chose? Ouais, un très bon film. Ben, de Martin Scorsese. Oui. Hein? Donc, le cinéaste américain va décliner son film Gangs of New York en série télévisée, a annoncé la société de production et de distribution Miramax. Gangs of New York de 2002 avec Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz et Daniel Day-Lewis. J'imagine qu'ils n'auront pas exactement les mêmes, le même casting pour la télé. Ça mettait en scène la lutte sanglante entre immigrants irlandais et natifs, donc nés aux États-Unis, dans le quartier new-yorkais de Five Points au milieu du 19e siècle. Citation du producteur. Miramax, qui avait produit Gangs of New York alors que la compagnie était encore dirigée par les frères Weinstein et contrôlée par Disney, ne précise pas si Martin Scorsese sera derrière la caméra de la série télé. Ça pourrait arriver, il y a de plus en plus d'acteurs du cinéma qui migrent à la télé ou de réalisateurs. Donc, Martin Scorsese s'est déjà illustré au petit écran avec la série Boardwalk Empire sur HBO qui décrit la naissance du crime organisé à Atlantic City à l'époque de la Prohibition. Gangs of New York avait déjà été nommé dans 10 catégories aux Oscars en 2003, dont meilleur film, acteur pour Daniel Day-Lewis et réalisateur pour Martin Scorsese, mais n'avait remporté aucune des prestigieuses statuettes Carlinzer. Martin Scorsese, c'est tellement simple, mais prestigieuse, par contre. Mais prestigieuse. Miramax, vendu en 2010 par Disney à un groupe d'investisseurs, se consacre désormais presque exclusivement à l'exploitation de son catalogue de quelques 700 films. Maintenant, on vient à Netflix. On en parle souvent, Netflix, sur Internet, la façon de couper le cordon ombilical qui nous retient à notre télé. Donc, ils ont recruté les frères Wachowski pour une série de science-fiction. Le site américain de streaming sur Internet, Netflix, a annoncé avoir commandé une série de science-fiction aux créateurs du film La Matrice, Andy et Lana Wachowski. Donc, une saison de Sense8, c'est le titre de la série, comportant 10 épisodes. Ça a proposé en exclusivité aux membres de Netflix en 2014. Ce sera la première incursion en télévision des frères... des frères... Andy et Lana, on s'entend frères et sœurs Wachowski. J'imagine que le masculin l'emporte comme toujours. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Les sites légaux de streaming américains se lancent de manière croissante dans la production de séries originales, longtemps réservées aux chaînes de télévision. Netflix, qui est un acteur majeur du secteur dans le pays, a notamment mis en ligne en début d'année une première saison de 13 épisodes de la très remarquée House of Cards avec Kevin Spacey et Robin Wright devant la caméra et le réalisateur de Fight Club, David Fincher, derrière. Donc, on suit ça, évidemment. Les admirateurs de Breaking Bad, en es-tu un? Breaking Bad? Non, j'ai jamais écouté ça. L'affaire de dealer de net. Ouais. Bref. Toi? Non plus. Ça a l'air très dark, mais très bon aussi. Donc, les admirateurs de Breaking Bad s'affolaient mardi aux États-Unis. Le script et les secrets de la dernière saison de la célèbre série américaine a été volé dans la voiture de Bryan Cranston, son acteur vedette, celui qu'on connaît pour Malcolm, la série à Télé-Québec. Une sacoche contenant le script et une tablette électronique a été volée en décembre dernier dans la voiture de l'acteur à Sandia Peak, au Nouveau-Mexique, indique la police du comté de Bernalillo. Donc, un suspect, Xavier McAfee, 29 ans, a été interpellé vendredi, mais le script, pas plus que la tablette, ont été retrouvés. Il n'avait pas mis son antivirus. McAfee! les admirateurs de la série depuis s'inquiètent et craignent des fuites. Un des acteurs de la série, Charles Baker, qui joue Skinny Pete, a supplié là où les personnes susceptibles de le détenir de ne pas trahir les acteurs en révélant l'intrigue. La série, qui a remporté de multiples récompenses, raconte l'histoire d'un professeur de chimie atteint d'un cancer du poumon en phase terminale qui décide de mettre en place un laboratoire de méthamphétamine pour subvenir aux besoins de sa famille et devient un gros bonnet du trafic de drogue. La dernière partie de la saison 5 sera diffusée à partir du 15 juillet aux États-Unis. Méchant succès, ça. Incroyable. C'était pas bien protégé pour un secret de polichinelle. Mais non, un iPad, c'est... Qui traînait sur un banc. Et peut-être à câble un jour, on sait pas. Maintenant, parlons de séries dérivées. C'est quand même intéressant, c'est bien à la mode en ce moment, les séries dérivées, les spin-offs de séries qu'on connaît déjà. Pretty Little Liars, les menteuses à VRAC TV, entre autres. Donc, une saison 5 qui s'en vient, mais aussi un spin-off nommé Ravenswood. Donc, non seulement la série Les Menteuses vient d'être renouvelée pour une cinquième saison, mais la nouvelle série vient d'être confirmée. Ravenswood se concentrera sur une petite ville non loin de Rosewood, en Pennsylvanie, qui est la ville où se déroule Pretty Little Liars, et qui met en vedette Lucy Hale, Ashley Benson, Shay Mitchell et Troyan Belisario. Donc, alors que celle-ci souffre d'une malédiction mortelle depuis plusieurs années, 5 étrangers se retrouvent soudainement connectés par cette malédiction fatale et doivent creuser l'histoire mystérieuse du groupe de la ville avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Donc ça, c'est ça. Ravenswood est présenté par les producteurs délégués de Pretty Little Liars. Et mis à part un endroit similaire, il n'y a pas encore d'informations qui expliquent en quoi Ravenswood sera connecté à l'autre émission ou si des personnages de la série originale font le saut. Peut-être que ça va être un dérivé avec un des personnages qui veulent plus accentuer. Ravenswood sera lancé en octobre suivant le spécial d'Halloween annuel de Pretty Little Liars. Entre-temps, les filles ont répondu aux questions des gens sur Twitter via une vidéo sur assemblagehockey.com. Ça n'a pas commencé par là, mais on l'a mis là. Une autre série dérivée maintenant, c'est Once Upon a Time sur ABC. C'est la série qui raconte des contes. Donc les créateurs Adam Horowitz et Edward Kitsis sont en train de travailler sur leur spin-off Wonderland, donc les aventures du pays créé par Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles. Donc ils ont trouvé leur Alice justement. EW Entertainment Weekly donc nous dit qu'une relativement inconnue actrice, Sophie Lowe, a été choisie pour jouer dans Once Upon a Time, deux petits points, Wonderland. Donc ça va être la protagoniste de cette aventure. Once Upon a Time, deux petits points, Wonderland. C'est beau comme nom. Donc, elle rejoint on Michael. On sait tout avec ça. Hein? Ça décrit bien la situation. Ouais, c'est ça qui se passe. Hein? Pas besoin de la regarder. Donc, on dit que ce n'est pas une autre série en 22 épisodes, là, comme une série normale. Ça va être plus une mini-série, on dirait. En tout cas, c'est ce que ça laisse supposer. Et on ne sait pas encore s'ils vont ramener Sebastian Stan, qui était l'acteur qui jouait le Mad Hatter dans la série Once Upon a Time, et non pas Johnny Depp là, dans les films. Là. C'est-tu Johnny Depp qui jouait ça? Le Chapelier fou, je sais pas quoi? Ouais, oui. Je pensais ça. Et il y avait aussi Barbara Hershey qui jouait la reine de cœur dans la série Once Upon a Time. Donc pour la série dérivée, on sait pas si ça va être ça. Mais j'espère qu'ils vont réussir à avoir les mêmes personnes. Si tu fais une série dérivée, puis tu prends pas le même monde. Moi, je pense pas. Tu peux plate. Ben, je sais pas, mais... C'est ça. Mais ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en sait? Moi, au pire, je suis prêt à texter Tim Burton pour faire comment... Timber! C'est quand les arbres tombent. Ouais, Timber. Ou quand je joue au golf. Ça, c'est bon. Je pense que tu trompes de... Si tu cries Timber quand tu joues au golf, ça marche pas. Hein. Mais c'est parce que à chaque fois, ma balle est à côté d'un arbre. T'es tellement fort. Oui, non, mais je suis tellement... J'y arrive tellement pas que je fais tomber l'arbre. Ah! Cool! Une autre série dérivée, c'est Chicago Fire sur NBC qui pourrait avoir sa propre série dérivée sur le département policier. Donc, Chicago Fire qui va très, très bien sur NBC dans le domaine des codes d'écoute. Ils ont déjà été choisis pour une saison complète et il va y avoir une série dérivée. Donc Deadline rapporte que la série dérivée de Chicago Fire pourrait arriver et pourrait avoir les producteurs exécutifs et créateurs Derek Haas et Michael Brennan. Apparemment, qu'ils développent ce drame-là, drame policier, en compagnie du producteur exécutif Dick Wolf, qui travaille sur la loi et l'ordre, entre autres. Donc ça pourrait vous adresser Chicago Fire, une série qui parle police. Ben c'est ça. Pas mal ça. Ben oui, mais ils vont pas déteindre des feux, j'espère. Là. Ben, j'espère. Timber! Four! sinon, il va y avoir... Là, celui-là est un petit peu long, là, mais la chaîne américaine FX a dévoilé à sa upfront presentation, la présentation où, on dévoile ses futures séries. Donc, ils ont dévoilé jeudi passé, le 28 mars, qu'ils vont avoir une chaîne dérivée. Donc, FX va faire naître FXX. Et c'est là que va déménager It's Always Sunny in Philadelphia et The League est legit. Donc, ils vont passer de FX à FXX. Et puis, il va y avoir une série dérivée sur FXX de Fargo. Le film Fargo? Pas Argo. Non, il y a un F debout. Fargo. Et, debout. Il y a un F debout. Ah, ça donc, va pas. Ça a l'air cool. Oh, ouais, non, c'est bien. Et il nous reste deux petites dernières. On va y aller avec Conan O'Brien sur TBS jusqu'en 2015. Le talk show de Conan O'Brien est renouvelé, oui, pour encore 2 ans et demi, si je compte bien. Lui qui avait été retiré par NBC, qui avait été remplacé par Jay Leno, alors que Conan avait remplacé Jay Leno. Jay Leno est revenu remplacer Conan. Une grosse affaire. Et on se demandait si ça allait avoir du succès sur TBS. Donc, ils ont annoncé que oui. Conan O'Brien qui avait été repêché en novembre 2010. Même si l'émission attire seulement en moyenne 900 000 téléspectateurs, elle génère une quantité impressionnante de commentaires en ligne et sur les réseaux sociaux, indiqué TBS. Ça, c'est une manière de un petit peu bullshiter. Je trouve que le succès sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui renouvelle une série, c'est les commanditaires, non les commentaires sur Facebook. Ouais. Mais j'imagine que c'est pour lui donner une chance ou pour pas le perdre. Parce que s'il le perd, peut-être qu'il va aller voir un autre réseau, il va avoir plus de succès et TBS va le regretter. Mais sur les réseaux sociaux, toujours. Toujours! Twitter. Donc l'émission est diffusée du lundi au jeudi à 23h sur TBS. Au Canada, c'est diffusé sur CTV, parce qu'on n'a pas TBS au Canada. Et pour terminer, je termine sur une nouvelle vraiment le fun. Le jeu de cartes américain Uno s'apprête à devenir un jeu télévisé. Coup de théâtre encore! Oui, c'est ce qu'ont annoncé Mattel et la société de production télévisuelle The Guerin Company. Le projet sera présenté et vendu aux chaînes du monde entier lors du MIB TV dont on parlait tantôt à Cannes. Jeu calqué sur les règles du 8 américain. OK. Vous connaissez pas. Le Uno se déclinera sur le petit écran à travers un programme d'une demi-heure diffusé quotidiennement. Wow, quotidienne. Dans cette version, les joueurs pourront gagner jusqu'à 100 000 $. Un format plus long destiné aux heures de grande écoute est également envisagé avec la clé, avec en clé la somme $1 million. Donc, un genre de prime time Uno ou peut-être un celebrity Uno. La transposition au petit écran du jeu de cartes inventé en 71 par un coiffeur de l'Ohio sera présentée mondialement lors du MIB TV, un marché international des contenus audiovisuels qui se tiendra du 8 au 11 avril prochain à Cannes. ça va certainement marcher. S'ils peuvent faire Scrabble à la TV, puis ils avaient fait Trivial Pursuit, ils ont fait... Mais Uno, là. Ouais. C'est comme si on jouait au trou de cul. C'est quoi 50... C'est combien qu'une carte 52 ramasses? Ça serait vraiment le fun. Prime Time Celebrity 52 ramasses. 52 ramasses. Avec Jean-Michel Antille à l'animation. Ben, si c'est Celebrity, on peut dire 54, parce qu'on pourrait rajouter genre deux autres jokers. Ou les règles du poker. Tu sais, les deux cartes qui sont sur le dessus quand t'achètes un paquet neuf. Le jeu d'instruction, le la carte d'instruction. Oh. Wow! Hey, Uno à télé, ça me jette à terre. 52 ramasses. Une autre pas bonne idée. Oh! Est-ce que tu prends des notes aujourd'hui pour les titres de l'émission? Oui. Une aucune idée, puis t'avais aussi Timber Before. Oui, c'est vrai. C'est pas mal ça. Parlons des talk shows pour terminer. Je manque de batterie. Colin, non, je veux pas sauter par-dessus les talk shows. Je le fais à chaque semaine. J'aurais l'air de quoi si je sautais par-dessus les motadines de talk show américains? Hein? Donc allons-y, commençons avec les talk shows qui auront lieu ce soir. Mardi. Non, moi qui avait, mardi. Mardi soir, Primetime Celebrity, you know. Oui, ben. Donc, NBC, hein? Oui, c'est ça, mais je suis rendu là. donc, hier soir, il y avait Shia LaBeouf à David Letterman sur CBS. Ce soir, il y a Regis Philbin. Demain, l'humoriste Louis C.K., que j'aime beaucoup, et l'animatrice de talk show politique américain, Rachel Maddow. Elle est vraiment géniale. Jeudi soir, Martin Short. Et vendredi, Chelsea Handler. Ensuite, à Jill Eno, hier soir, il y avait Matthew Perry, qu'on connaît de Friends. Kristen Shaw, que j'adore. Demain, Rosario Dawson. Jeudi, Eva Longoria et un paquet d'autres. À Jimmy Kimmel Live sur ABC. Shaquille O'Neal était là hier. Russell Brand, l'humoriste qui sortait avec Katy Perry, entre autres, est là demain. Et puis c'est ça. À Craig Ferguson, maintenant. Ce soir, Lena Dunham, la fille de Girls. C'est l'émission très populaire sur HBO en ce moment, Girls. Donc, elle va être là. Demain, Lisa Kudrow de Friends, encore, coudonc, qui joue dans une émission sur Showtime, maintenant. Et puis, finalement, à Jimmy Fallon, jeudi soir, Melissa McCarthy, qui est de plus en plus populaire au cinéma. Et vendredi soir, Anderson Cooper. Donc, voilà pour les talk shows américains. Allez voir la liste sur assemblagerequis.com. On se quitte, comme toujours, avec une chanson thème d'émission de télé. Et j'ai choisi New Girl. L'émission avec Zoé Deschanel, je ne l'ai pas encore fait jouer comme chanson thème dans cette chronique-là, je crois pas. À moins que je me trompe. Non, pas de mémoire d'homme. Pas de mémoire d'homme. Faudrait que je prenne ça en note pour pas jouer les mêmes deux fois. Donc, Zoé Deschanel et la chanson thème de New Girl, la voici à l'instant à Assemblage Requis. Who's that girl? Oh, attends, j'ai pas fini de parler. Non, je vais continuer. Ce n'est pas fini. C'est un fait. Oh. Après la pause. Rassemble qui pour toi aujourd'hui. C'est fou de... dans ta face. 489-1-1-1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. We'll be right back. les Indiens et Boucan. Ouh, Boucan. Boucan. 7h44 à Assemblage requis maintenant. Ben, on part un petit peu la dactylo parce qu'il faut la, des fois, il faut la craquer, la dactylo qui part l'intro, c'est un fait. Si tu m'aides un petit peu, prends ton bord. Et que c'est bien parti. Vrai théâtre. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables à Assemblage requis. Aujourd'hui, c'est un petit bloc thématique jeux vidéo. Ah, oh, ça, c'est le fun. Ça intéressera pas tout le monde, mais ceux qui s'intéressent vont être très intéressés, j'en suis certain. Je suis certain, moi aussi. Le jeu Atomic Bomberman. Ouais. Dans ses données, OK? C'est une version de Bomberman, on connaissait avec les petites bombes. Ça contient plusieurs enregistrements non utilisés où les acteurs du jeu disaient des jurons, des lignes de dialogue vulgaires. Ils ont enregistré ça, je sais pas pourquoi, en fait, ça n'a jamais été vraiment dit pourquoi ils avaient enregistré ça, mais il y a par exemple... Come on, biatch! Come on, biatch! Come on, biatch! Ooh, come on, biatch! Ou encore... Eat my dust and lick my crack! on comprend ce que ça veut dire. Hein? Celui-là, il est encore meilleur. I'll break your fucking head with a ratchet! I'll break your fucking head with a ratchet! I'll break your fucking head with a ratchet. Et pour terminer, il y en a plein d'autres. I'll bust your ass. I'll bust your ass. J'adore ça, j'adore. Il y a des oh shit, il y a des your ass is grass, il y a you're fucked. Je sais pas pourquoi, mais c'est drôle. Ils ont fait ça. Pour le plaisir. Un peu game. Et dans chaque voix, en plus, chaque personnage qui existe dans le jeu, je trouve ça malade. Donc c'est Atomic Bomberman, allez retrouver le lien et les extraits audio sur assemblagerequis.com. Le mode multijoueur qui a défini une génération, en fait, c'est une génération de jeunes personnes, de jeunes gens. Peut-être toi, es-tu fan de GoldenEye pour la Nintendo 64? Ah, qui ne l'est pas. Et voilà. Et le mode multijoueur est très, très, très populaire. Mais en fait, c'était vraiment à la dernière minute que c'est arrivé. C'était pendant les dernières semaines du développement du jeu. Et ça a été fait sans la permission des gens bien placés, les hauts placés de la compagnie. Aha. Il n'était pas supposé d'avoir le mode multijoueur. Ça, je ne sais pas si ça aurait fonctionné aussi bien sans ce mode. Non, je ne sais pas. Le fameux coup, là, je suis cassé. Ouais. Je sais pas, j'ai pas joué à ce jeu-là. C'est pas, moi, les jeux où t'es dans le personnage et que tu ne vois pas le personnage, que t'es à la première personne, je suis pas capable. Ça me donne mal au cœur. J'aime pas ça. J'aime mieux voir à la deuxième ou troisième personne. Maintenant, tu peux souvent changer les settings. Une chance, hein, une chance. Dans Star Fox 64, toujours au Nintendo 64, la façon que les personnages parlaient, c'était en ouvrant et en fermant leur bouche, là, un peu comme dans les marionnettes anglaises de Thunderbirds, les Sentinelles de l'air. T'sais. Donc, Shigeru Miyamoto, qui était un fan de ces émissions-là, et imaginait que les vedettes, que si les vedettes de la série Star Fox, mettons qu'il y avait une série de dessins animés de Star Fox inspirée de jeux vidéo, il allait les faire parler pareil comme dans les Thunderbirds. C'est pour ça qu'il a choisi de faire parler les personnages comme ça dans le jeu, pour que si un jour il y avait une série télé, ça pourrait être la même chose. Donc, je trouve ça bien intéressant. Star Fox 64 et Thunderbirds, on s'attendrait pas à avoir un lien entre les deux. Il y a un jeu qui s'appelle Xenogears qui a commencé. En fait, c'était un concept à la base pour Final Fantasy VII. Le concept de Xenogears était trop dark et trop compliqué pour un jeu supposément fantastique. Donc, ils ont décidé de le sortir de l'univers de Final Fantasy et faire son propre projet. Donc, c'est devenu Xenogears. Sora, le personnage principal de Kingdom Hearts, à la base n'était pas le personnage principal. En fait, au début, Disney voulait que Donald Duck soit le protagoniste du jeu Kingdom Hearts. Ça, c'est le jeu où il y a des personnages humains et des personnages de dessins animés. Comme Space Jam. Comme Space Jam. Un film qui a vraiment pas rapport de Mel Brooks. Non, mais c'est toujours drôle de plugger Space Jam. Ouais. Space Jam. Jam. Ouais. Confiture de l'espace. Comme on l'appelle. Bref, ils voulaient que ce soit Donald Duck. Squaresoft voulait Mickey Mouse comme personnage principal, mais le créateur de la série, Tetsuya Nomura, voulait aucun des deux et a développé son propre personnage basé sur le style de Disney, mais en faisant un humain. Et à la fin, Sora a été créé. Et ses souliers, son chandail et ses gants à Sora sont tous basés sur Mickey Mouse. Vous allez voir la photo sur assemblagerequis.com du personnage principal de Kingdom Hearts, qui est un humain, mais en dessin animé. Il y a toutes les caractéristiques. Mais y a-t-il eu des poursuites pour ça? Non, mais c'est la compagnie a travaillé avec... dans le fond, c'est une collaboration entre Disney et Squaresoft. Exactement. Main dans le gant. Oh. Les gants, c'est les gants. Dans Metal Slug 2X, il y a trois bannières avec des symboles arabes, des caractères arabes à l'arrière-plan du premier tableau. La deuxième et la troisième bannière veulent dire « J'ai une diarrhée et j'ai besoin de médicaments ». Donc, les créateurs du jeu ont juste trouvé des symboles qui voulaient dire quelque chose de drôle, sachant que personne n'allait les comprendre. Mais nous, on le sait, assemblage requis. J'ai une diarrhée. Et j'ai besoin de médicaments. As-tu pris ton Imodium et la troisième bannière en ce moment? Le jeu Wing Commander crash, okay, plante complètement avec une erreur à chaque fois qu'on sort du jeu. Ayant été incapable de retrouver l'erreur, de trouver où elle était dans le jeu à temps pour la sortie du jeu, un des programmeurs a simplement changé le texte d'erreur pour dire « Merci d'avoir joué à Wing Commander ». Oh, t'as... T'sais, merci d'avoir joué. L'énergie du désespoir. J'ai une diarrhée. As-tu pris ton médicament? Merci d'avoir joué. C'est possible dans le jeu Bowling sur la Wii. Tu sais, dans Wii Sports, il y a une portion quille. Oui. Donc, c'est possible dans Bowling de lancer sa boule de quille dans la foule. Ça va être accompagné d'une réaction très surprise de la foule qui va crier et va sauter pour éviter la boule. Et tu vas pouvoir reprendre ton tir, ton lancer, et ça va pas affecter ton score. Donc, pour lancer la balle dans la foule, il faut simplement lâcher le bouton B pendant le backswing et la boule va sortir de la main de ton mi et va être lancée dans la foule. Vous pouvez aller voir la vidéo de comment faire sur assemblagerequis.com aussi. Mmh. Intéressant. Lorsqu'on laisse les Sims, la version sur GameCube, PC, PlayStation 2 et Xbox de The Sims, lorsqu'on clique, j'imagine que c'est la version ordinateur parce que ça dit de cliquer, mais bon. Lorsqu'on clique sur le symbole de Maxis, qui est la compagnie, une des compagnies qui a travaillé là-dessus, ça va vous mener à une image en dessin animé du créateur du jeu Will Wright en train de se promener sur un scooter avec des Sims autour de lui. C'est un petit œuf de Pâques caché. Ouais. Mais des fois, des œufs de Pâques, ça fait un peu plus plaisir que ça. Eh oui, un petit peu plus, ça. C'est pas le plus fun du monde. La technologie de motion control de la Nintendo Wii, donc le contrôle par le mouvement, a été présentée à Microsoft et à Sony en premier, mais a été rejetée par les deux avant d'être achetée par Nintendo. Et après ça, ils l'ont regretté puis ils ont inventé leur propre technologie, hein? Uh-huh. PlayStation Move et puis la Kinect. Mais finalement, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Tout à fait. Ben, c'était révolutionnaire. Ouais, mais c'était parfait pour Nintendo aussi. Il fallait ça pour avoir quelque chose qui démarque un petit peu la console, oui. Parce que je l'aurais pas vu sur Xbox, mettons, cette technologie. Non. Non. Mais, tu sais, j'aime bien Kinect, mais on dirait que j'ai besoin d'avoir quelque chose dans les mains pareil. Ah, ben, tu peux prendre un soda. Oui, une canne d'alicia. Pendant que tu fais Fruit Ninja, tu sais. Après ça, tu l'offres à ton meilleur ami. Oui. Un vrai couteau, ça va tuer les gens, oui, c'est ça. Dans le jeu The Elder Scrolls V Skyrim, dans la maison de Enden à Markarth, d'accord? Donc, il y a une tablette, il y a un meuble dans une pièce avec un morceau de fromage, OK? C'est une brique de fromage, un genre de rond, OK? En fromage, mais avec une meule, voilà, de fromage, avec une bouche de taillée dedans. Et il y a des rangées de gousses d'ail. Arrangé pour faire pareil comme Pac-Man. C'est ce que j'allais dire. Ça ressemble pas mal à Pac-Man. Puis là, j'ai vu que c'était écrit Pac-Man. J'ai fait « Ah! Oh, Pac-Man! » J'ai fait le lien tout seul. C'est très, très réussi. C'est dans le jeu The Elder Scrolls V Skyrim. Mm-hmm. Dans une édition spéciale de Super Mario Bros. Qui s'appelle All Night Nippon Super Mario Bros. Qui est sorti seulement au Japon. Il y avait le jeu était presque identique à The Lost Levels, qui est la version japonaise de Mario Bros. 2. Là. Mais à la place, ça a remplacé les ennemis par des vedettes japonaises. C'était basé sur une émission de radio japonaise qui s'appelle All Night Nippon. Et ça a été donné comme un prix dans l'émission elle-même. Donc, allez voir les photos de ça sur assemblagerequis.com. Les premières lettres de chacun des cinq boss fantômes dans Luigi's Mansion Dark Moon sur la Nintendo 3DS que j'ai dans mon sac à dos et j'ai bien hâte de jouer, épellent le mot Ghost fantôme. Donc, t'as le Grouchy Possessor, le Harsh Possessor, Overset, Shrewd et Tough Possessor. Donc, c'est des fantômes. Moi, je trouve que c'est des beaux petits clins d'œil, ça. C'est joli. C'est le fun. Ouais. Metal Gear Solid Portable Ops maintenant. Les copies de ce jeu-là se sont rendues chez les détaillants du Royaume-Uni avant qu'on puisse apposer la cote de la BBFC. Tu sais, il y a toute une petite cote, genre 18 ans et plus, je sais pas pourquoi. Et vu que c'était légalement requis d'avoir ces cotes-là sur le jeu, ben, ils ont dû ramener toutes les copies et ils ont dû repousser la sortie du jeu à plus tard. C'est triste. Tout un oubli, ça. Ah oui. Virtual Boy maintenant. La console Virtual Boy, vous savez, c'est la console qu'on se mettait sur les yeux, sur une table avec une manette dans les mains. C'était du 3D rouge et noir. Donc, même s'il y avait un port d'expansion pour jouer à deux joueurs, le câble qui rendait possible le jeu à deux joueurs n'a jamais été vendu. Donc, on peut pas jouer à deux joueurs. La console a été tellement rapidement discontinuée qu'ils ont jamais sorti le fil. On peut trouver dans le jeu Ratchet & Clank Going Commando sur la PlayStation 2 ce qu'on appelle une Game Pyramid. C'est comme une console de jeu. C'est dans la chambre de Clank. Et au début, c'était supposé être une PlayStation 2. Par contre, on dit dans les termes, les contrats de PlayStation, bref, qu'on peut pas avoir une PlayStation 2 qu'on peut détruire dans un jeu. Donc, tu peux pas détruire une console sur laquelle t'es publié. C'est quand même logique, là. Donc, on l'a remplacé par une Xbox, mais c'était enlevé parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir une machine de compétiteur non plus. Donc, ils ont inventé la Game Pyramid. Tant qu'à essayer de trouver une entourloupette pour réussir à mettre une console de jeu qu'on connaissait. Dans Donkey Kong King of Swing sur le Game Boy Advance, maintenant, c'est quand même un jeu qui date, là, mais que j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu où tu te promenais, il y avait des grilles de points, et puis tu te pognais avec tes mains sur les points, avec les boutons épaules de ta console. Tu pouvais swinguer de main en main, de point en point. Oui, c'était vraiment le fun comme jeu. Mais tout ça dans le même principe que Clou Clou Land, qui était il y avait le personnage Bubbles dans Clou Clou Land. Et ben, c'est un personnage caché qu'on peut avoir dans le mode multijoueur de Donkey Kong King of Swing. Tellement la référence était évidente et c'était basé là-dessus pour faire le jeu qu'ils ont tant qu'à faire mis le personnage. C'est le fun. On revient à Ratchet & Clank Going Commando, j'aurais dû les mettre ensemble, mais à l'écran titre, Ratchet est en train de jouer à des niveaux du jeu Ratchet & Clank Going Commando sur sa télé. Si tu restes assis sur cet écran-là, près de cet écran-là, il va commencer à jouer à des tableaux de Ratchet & Clank, Jack & Daxter, The Precursor Legacy, Jack 2 et Sly Cooper and the TBS Raccoonist, d'autres jeux vidéo de... pas des mêmes créateurs, mais juste dans le même genre d'environnement de jeu de plateforme. Donc, ils jouent à leur série et aux séries des autres, je trouve ça vraiment drôle. Dans Cruisin' USA, on a un support auditif ici. C'est dans le jeu, donc, Cruisin' USA aux arcades et au Nintendo 64. Si on entre ses initiales après avoir obtenu un high score, c'est quand tu réussis à avoir un bon score, donc tu vas contrôler le tapis roulant qui va produire... Je suis arrivé directement au bon endroit. Donc, si tu entres des initiales et que tu fais bouger tes flèches, ça va tasser le tapis roulant. Il va apparaître une tête qui dit « J'aime donc ma job ». C'est juste une tête coupée. Mais quand c'est toi qui contrôle le tapis roulant, donc tu peux la faire aller à droite puis par à gauche. Puis quand tu vas par à droite, il fait un genre de signe avec ses yeux, genre un petit mouvement d'yeux. Puis quand il passe de droite à gauche, il se fait aller la bouche. Puis ça dit « I love this job ». C'est génial. Ouais, il devait être en recrutement. Oui, je sais pas. Ça ressemble un petit peu au Toasty dans Mortal Kombat. Je trouve ça cool. Parlant de Mortal Kombat, c'est notre lien dans ce cas-ci. Selon les développeurs, les Babalities, tu sais, les Babalities, c'est quand les personnages se transforment en bébés. Donc, c'est quand le créateur du son du jeu, Dan Forden, l'homme derrière le son Toasty dont on parlait tantôt, où il y a un personnage qui arrive et qui dit Toasty. Donc, il a trouvé des effets sonores de bébés qui pleuraient dans un CD d'effets sonores. Il a décidé que c'était drôle. Donc, les développeurs ont créé 12 bébés de chaque personnage, un bébé de chaque, pour faire les Babalities. C'est très cool. Comme quoi, des fois, hein, ça en prend pas beaucoup pour faire une grande invention. Exactement, juste une petite étincelle. D'ailleurs, selon les développeurs du jeu, ils ont ajouté des friendships. Okay? Ça, c'est un move, un finishing move, où tu performes un acte de gentillesse à la place de tuer l'autre personne. Ça s'appelle un friendship. Et c'était leur façon de rire un petit peu de l'attention négative qu'ils recevaient à cause, justement, des affaires comme enlever la colonne vertébrale de l'autre, puis trancher les jambes, puis le sang qui gicle partout. Donc, pour faire le contraire, ils ont fait les moves friendship. Il y a aussi les Animalities qui ont commencé comme une rumeur de la part des fans. C'était des fausses images qui montraient comment transformer certains personnages en animaux comme move de Fatality. Donc l'équipe était au courant de cette rumeur-là. Ils ont décidé d'incorporer les Animalities dans Mortal Kombat 3. Par contre, ils les ont enlevés après Mortal Kombat 3 parce que c'était difficile de changer un modèle 3D en un autre modèle 3D facilement pour que ça coûte pas cher. Donc ils ont abandonné. C'est les Animalities. Il nous en reste un dernier sur Mortal Kombat. Selon les développeurs, l'idée des fatalities en général est venue juste de l'idée de mettre ta victoire dans face des autres. Tu sais, genre un mauvais gagnant. Ils se disaient, comment être mauvais gagnant, mais à l'extrême? Comment mettre un point d'exclamation à la fin d'une bataille? C'est de faire les fatalities. C'est ce qui fait que c'est la meilleure série de combat. Je suis pas un fan de jeux de combat, mais tant qu'à ça, Mortal Kombat, c'est drôle, c'est le fun. Finish him! Tellement! Puis juste leur imagination pour réussir à trouver autant de moves que ça, j'ai trouvé parfait. Il y a ce qu'on appelle Stop and Swap dans le jeu Banjo-Kazooie sur Nintendo 64. Donc, l'idée était à la base de faire, d'accomplir certains objectifs dans Banjo-Tooie. Ok, ça c'est la version est-ce que c'est sur les consoles, celui-là? En tout cas, il y a une version. C'est les deux sur des consoles. Okay. Donc, l'idée c'était dans Banjo-Tooie, tu faisais un objectif, ensuite t'arrêtais le jeu, t'échangeais les cartouches dans le système pendant que le système était toujours allumé. Ok, donc tu prenais une cassette, tu l'enlevais, puis tu mettais l'autre. Ça débarrait des articles spéciaux dans Banjo-Kazooie, qui était le premier. Banjo-Tooie, c'est le deuxième. Donc, tu pouvais échanger les jeux et encore revoir les articles dans Tooie. Donc, l'idée a été comme abandonnée après un certain moment parce qu'on disait que la fenêtre de possibilité pour échanger les cassettes était passée de 10 secondes à genre 1 seconde. Et ça allait être comme trop compliqué, puis ça allait faire planter la console si tu ne faisais pas correctement. Donc, il y a encore des codes de triche qui vont débarrer des articles spéciaux dans Banjo-Kazooie si vous allez chercher l'émulateur puis vous hacker un petit peu le jeu. Il y a encore une façon de faire un petit peu similaire à ça. Mais je trouve que l'idée de changer les cassettes, c'est vraiment génial. C'est pas pire. C'est pas pire. Mais malheureusement, c'était abandonné. Et puis, on termine avec trois petits faits rapides, mais vraiment en rafale comme ça. Allons-y avec le fait que la version originale sur Xbox de Tomb Raider Legend n'avait pas de cutscene d'intro, une petite vidéo cinématique d'introduction, parce que l'équipe avait juste oublié de mettre le fichier dans le... dans le build final du jeu. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'intro. Il était supposé avoir un jeu de South Park en développement sur le Game Boy, mais Matt et Trey, les créateurs de South Park, ont décidé que le Game Boy n'était pas leur bon public. Évidemment, il y a des parents qui laissent leurs enfants de moins de 10 ans regarder South Park. C'est donc leur public est des enfants, mais ils trouvaient ça trop violent pour eux autres, puis je trouve qu'ils font bien. Et dans l'expansion pack, The Sims House Party, si tu fais un party assez cool... Ça, c'est une expansion pour le jeu de Sims. Drew Carey, l'humoriste américain et animateur de The Price is Right en ce moment, va arriver en limousine pour te féliciter et niaiser avec toi lors de ton party. Drew Carey, qui est un grand fan des Sims, il les a parodiés dans un épisode du Drew Carey Show, sa sitcom des années 90, où ils ont transformé chacun des personnages en personnage des Sims. Et qu'il y avait vraiment une partie de Sims qui avait lieu. Donc voilà pour cette un fait édition jeux vidéo. Il y en a combien, ça, des Sims? 42. Il a leur sorti en maudit. 56. 42 ou 56, je suis pas sûr. Ouais, un ou l'autre. Hein. Approximativement, c'est ça. Donc, voilà pour cet un fait. Et voilà pour la première heure d'assemblage requis. N'était-ce pas merveilleux? Juste du mois, tout le temps. Yeah. De toutes les beautés. Toutes sortes de beautés. 46, 52. Oui, 45. Il est 8h01. Je vais le noter. Oh, 8h01. OK, parfait. Merci. On se retrouve dans quelques minutes avec Michel Lebrun et sa chronique panier à salade. On a aussi, dans la deuxième heure, Kiwan la liberté et sa chronique Kiwan en cavale qui va nous faire entendre la musique internationale aujourd'hui. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Restez là. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 2 avril 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. De retour d'un congé, de retour en direct, en fait, hier. C'était pas vrai, c'était pas nous autres, c'était une joke, ça, là? Ben non, c'était des imitateurs. Des imitateurs merveilleux qui ont reproduit l'émission de mercredi passé parfaitement pareil. Oui, comme à si la seconde près. Puis il y a des imitateurs de l'émission de Danny Janvier, le dîner de con aussi, qui ont réimité l'émission de mardi passé. Ah! Oh. Fait que wow, je capote, moi. C'est quand même. Je capote. On a-tu du budget pour ça? On est over, je pense. On va mettre les... Okay. Donc, on accueille Michel Lebrun qui s'imite lui-même. En fait, il est inimitable, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de le laisser s'imiter lui-même. Et on l'accueille à l'instant avec sa chronique judiciaire, panier à salade. Bonjour, Michel Lebrun. Bonjour, Mathieu. Ça va? Ça va, ça va. Je n'y ai vu que du feu hier. Ça paraissait pas du tout. J'étais complètement subjugué. Je rappelle qu'à chaque fois que je dis Michel Lebrun, j'ai l'impression que je me trompe et que je dis Michel Leblanc. Est-ce que c'est déjà arrivé aujourd'hui? Je suis pas sûr. J'arrête pas de dire Michel Leblanc sans faire exprès. Ah oui? C'est Lebrun, mais on m'a déjà dit ça. Car en nombre, j'avais dit Michel Leblanc, mais je m'en étais jamais rendu compte. Ben moi non plus. Ben moi non plus. Lebrun, Mike Brown. De quoi on parle aujourd'hui? La question que je me posais, peut-être depuis une semaine, quand je suis sorti d'ici la semaine dernière, une question qui m'est apparue, je me suis posé la question. Est-ce que je vais dire encore une fois le mot question? Ça va. Est-ce qu'il y a une justice? Est-ce qu'il y a deux sortes de justice? Est-ce qu'il y a une justice pour les riches? Est-ce qu'il y a une justice pour les pauvres? Ah. Ou pour les gens puissants? Ou pour les deux poids de mesure. Deux poids de mesure. Je me posais la question parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, je parlais d'un médecin qui avait peut-être un peu d'argent, beaucoup de moyens, donc qui s'était attaqué un peu au système et qui avait fini par prouver certains, certains points, même si c'était pas un personnage particulièrement sympathique. Et puis, souvent, on regarde des cas comme ça, puis on se dit, est-ce qu'il y a les gens qui ont plus de moyens se défendent mieux que d'autres? Ils se paient des meilleurs avocats, c'est sûr. Ben exactement. Là, ouais, ben, au moins, ça. Sûrement qu'ils peuvent avoir ces moyens-là. Mais ce sentiment-là, je pense qu'on l'entend souvent. Vous l'avez peut-être déjà ressenti vous autres même. Et même, il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle les animaux malades de la peste, où il terminait sa fable de La Fontaine en disant, et ça fait longtemps, les fables de La Fontaine, en tout cas, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Alors, c'est des sentiments qui existent depuis très longtemps. Et c'est étonnant parce que on pense qu'aujourd'hui, peut-être tout le monde est égal devant la loi. La Charte des droits prévoit qu'on est tous égaux. Puis on a un peu ce sentiment-là là, dans les démocraties que tout le monde est égaux. Mais je vous dirais, encore récemment, on a la lieutenant-gouverneure du Québec, Mme Lise Thibault, qui fait l'objet d'accusations criminelles. Mmh. Puis les médias rapportaient le fait qu'elle prétendait devant les tribunaux qu'elle ne pouvait pas être accusée parce que étant le lieutenant-gouverneur au Québec, on est encore dans une monarchie. Hein, je ne sais pas si vous le savez. Oui, la reine est encore sur notre argent. Ben oui, effectivement. Et c'est parce que, techniquement, elle est... je pensais que c'était un symbole, mais on voit ce symbole-là de plus en plus depuis que les conservateurs sont au pouvoir. Ben oui, c'est important pour eux, ça. Ils ont même rebaptisé notre armée royale, et tout, des choses comme ça. Et, acheter des beaux cadres de la reine. Des cadres de la reine, effectivement, oui. Et Mme Thibault, peut-être qu'elle s'est fait prendre à ce jeu-là. elle y croit beaucoup. Et elle était au Québec, un peu comme le gouverneur général l'est à Ottawa. Mm. Et dans le fond, c'est des représentants de la reine. C'est eux qui, techniquement, signent les... Ils servent à rien à part signer des affaires, ça? Oui, je pense qu'ils signent les lois, mais le système existe, a été conçu comme ça. Finalement, la démocratie a fait que c'est le Parlement qui vote les lois, puis les ministres sont ceux qui les appliquent. Mais on a toujours gardé cette sanction royale-là, puis à partir de la reine qui existe encore en Angleterre et ses représentants qui existent encore au Canada, Mme Thibault, elle s'est présentée devant les tribunaux, puis elle a dit, moi, on m'accuse d'avoir commis des crimes, d'avoir fraudé le gouvernement. Je peux pas faire frauder le gouvernement. Je suis le gouvernement. Je suis la plus haute instance. Oui, c'est ça. Je suis la représentante de la reine. Donc, il y a seulement la reine qui peut me juger, dans le fond. Ouais. Et puis, c'est mon Dieu pourra me juger. Ouais, à peu près. Et puis, finalement, elle n'a pas eu gain de cause. Je pense que même la Cour suprême vient de refuser son droit de se pouvoir en appel. Donc, s'il n'y avait que cela pour répondre à la question, on pourrait dire peut-être qu'on est tous égaux devant la loi. Même la représentante de la reine peut être accusée au Québec, en tout cas au Canada. Mais elle disait en fait que c'est pas qu'elle disait que justement la reine peut pas recevoir elle peut pas être mise en doute. Ou quelque chose comme ça. Ben, c'est ça. Il y avait un vieux principe qu'on apprenait quand on étudiait en droit. C'est King can do no wrong. Ça commence par King can, mais c'est King can do no wrong. Le roi des cannes. Ouais, c'est ça. Une grosse canne, ça fait pas de mal. Ah, King size can. Ouais. En tout cas. Ce principe-là, il était un petit peu amoindri. C'est sûr que. À la base, il y avait une forme d'unité au roi. Là. C'est le roi qui décide, donc c'est le roi qui... on peut pas actionner le roi. Ça a été battu en brèche au cours des années. Et puis, du fait que les individus sont des sujets, en fait, des sujets de la reine. En fait, lorsqu'on est poursuivi en cour criminelle, maintenant, on est poursuivi par la reine encore. La couronne? Oui, la couronne. On dit pas que la couronne. D'ailleurs, le terme couronne s'applique bien, mais... sur le papier, sur le document officiel, la dénonciation ou l'acte d'accusation que vous aurez, c'est le poursuivant, c'est la reine du Canada, là, qui est la reine d'Angleterre, qui nous poursuit. Mais un représentant de la reine ne peut pas se servir de ça pour prétendre avoir une immunité parce que, dans le fond, un individu, une personne, c'est une personne. Et la reine, il permet pas à sa personne de contrevenir aux lois. Donc, ça ne permettra pas à une personne, je pense que c'est ça que les tribunaux ont finalement affirmé à Mme Thibault. Ils ont dit non, vous êtes une personne. Et si vous avez commis un crime, si vous avez volé l'argent de la reine, dans le fond, parce que vous avez volé l'argent du gouvernement, la reine peut vous accuser parce que c'est encore la reine qui on dirait qu'on s'en rend pas compte de ces liens avec la reine là. On dirait que c'est comme caché, ça n'est pas omniprésent. Ouais, c'est vraiment partout. Oui, moi vraiment depuis que les conservateurs ressortent ça, tu sais, je me pose des questions. Comme on a vu c'est plus politique que juridique, mais un des princes là, qui s'est marié là, il y a un an ou deux, puis il est venu au Canada en voyage de noces. C'était ça a coûté une fortune au Canada, je sais pas trop, mais il venait visiter ses sujets, puis ça faisait... Et même dans un journal à Québec, le Journal de Québec d'ailleurs, j'étais là à Québec le lendemain de leur visite et c'était le gros titre, c'était La Reconquête. Donc, la prise 2. les gens de Québec se disaient conquis par le charme. En tout cas, ça touche pas toutes les personnes également. Non. Mais disons que ce principe-là de l'égalité devant la loi, les gens ont ce réflexe de dire ben il y a des gens, les plus gros s'en tirent ou la justice s'attaque différemment à. Certains groupes plutôt qu'à d'autres, et généralement des gens qui ont de l'argent ou qui sont plus puissants s'en tirent mieux. Il y a ce sentiment-là qui est un peu nourri aussi. On voit ça aux États-Unis, on voit ça au Canada. Il y a des groupes ethniques qui prétendent faire l'objet d'une plus grande attention policière, par exemple. Profilage racial, on en parle. Oui, effectivement. Lorsque des interceptions. Ici, au Canada, on a les Autochtones qui semble-t-il, composent 25% de la population carcérale. Le nombre de prisonniers au Canada dépasse largement la proportion que les Autochtones ont. Représentent dans la population en général. Oui, effectivement. Fait que peut-être qu'il y a des problèmes de délinquance plus grands chez les populations autochtones, mais eux, souvent, ont le sentiment d'être plus harcelé, d'être plus... Persécution. Plus persécuté, effectivement. Puis c'est un peu la même chose chez les Afro-Américains, chez les Noirs aux États-Unis, qui prétendent que... Ils vont prétendre même que les crimes qu'ils commettent, eux, par exemple, la consommation, même de certaines drogues, par rapport... on dit le crack était plus populaire chez les Noirs, la cocaïne chez les Blancs, bien, le crack est condamné plus sévèrement. Donc, on dit, il y a quand même, sous-jacent à certaines lois, des préjugés qui sont nourris ou qui vont créer de l'inégalité. Il y a des gens qui prétendent un peu le contraire, qui vont dire et on peut noter parfois que des personnes qui sont connues, des personnes qui sont puissantes, qui font l'objet d'accusations criminelles, qui vont dire, nous, on paye peut-être plus cher que d'autres des petites infractions qu'on pourrait commettre, que ce soit un alcool au volant ou un vol à l'étalage. On a eu ici au Québec M. Charon, là, qui était un ministre, qui avait volé un manteau dans un magasin. Bon, c'est un ministre qui fait ça. Il n'a pas été jugé moins sévèrement qu'un autre. Au contraire, ça a pas mal détruit sa carrière de député. Il a réussi à se refaire une carrière dans les médias plus tard, mais il a dû démissionner comme ministre, il a démissionné comme député. Ça a mis fin à sa carrière politique. On a eu Mme Pagé, qui était la présidente d'un syndicat des enseignants, je crois, qui avait été arrêtée pour avoir fait voler une paire de gants. De gants, oui, c'est ça. Et puis, chez l'abbé. Ouais. pas n'importe où, là. Non, c'est ça. Des gants de luxe. Elle sortait de chez l'abbé. Elle dit que ça a été une distraction. Moi, personnellement, je peux croire ça parce que... Ça arrive. Ça arrive, ouais. Et c'est le genre d'affaires qui m'arrive, qui me sont déjà arrivées. Mais... elle, évidemment, elle a eu, encore une fois... Elle a fini par être acquittée, d'ailleurs. On l'a cru sur sa distraction, mais elle a subi comme un genre de procès avant son procès dans les médias. Elle a perdu sa job, elle a perdu l'autorité qui était requise pour continuer à occuper ses fonctions. Donc, on a vu des gens aux États-Unis aussi, George Michaels, qui s'est fait prendre, je pense, c'est de la grossière indécence ou quelque chose... un crime qui n'est pas... excessivement grave, c'est pas un viol, c'est deux adultes consentants qui font des choses inappropriées dans un endroit inapproprié, public, un endroit public. À tout vent. Et ouais, c'est ça. Et puis il y avait eu un acteur aussi là, qui fait la même chose, Hugh Grant, je pense que. Ouais, ça, oui, je pense, ça avait. Avec une prostituée, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, quelque chose comme ça. On remarquera pas ça. Ouais. Mais des fois, les gens fortunés ou les gens puissants vont dire, on paye peut-être plus cher lorsqu'on est accusé, les gens. Sont contents de nous voir tomber de haut. Et je dirais, un cas au Québec qui est fort triste, mais qui a fait les manchettes récemment, l'affaire de Turcotte, qui était le médecin qui est accusé d'avoir tué ses enfants. d'un certain point de vue, le sentiment que la population a à cet égard-là, c'est qu'il s'en est mieux tiré parce que c'était un médecin ou parce qu'il y avait des moyens pour se défendre. Moi, personnellement, on a vu beaucoup de cas de similaires où, dans le fond, c'est de la misère humaine, des gens qui s'en sont pris à leurs enfants, mais qui ont des problèmes de santé mentale, tout ça. Je suis porté à penser qu'il y a peut-être eu, disons que la haine dirigée contre M. Turcotte vient aussi du fait que c'était un médecin, puis c'est quelqu'un qui... Il y aurait peut-être eu une part de compassion à son égard si c'est quelqu'un qui avait perdu les pédales comme ça auprès de ses propres enfants, mais qui n'avait pas eu autant de chance dans la vie. Là, fait que des fois, on est peut-être plus sévère aussi envers ces personnes-là. Mais vous l'avez dit au début, je ne sais pas si c'est Mathieu ou c'est Jean-Philippe, le nerf de la guerre dans tout ça, c'est de pouvoir être représenté. C'est parce que tu m'as dit, Mathieu, la personne qui a plus de moyens peut engager un avocat et être mieux défendu. Oui, un avocat reconnu, un avocat qui est convaincant et qui a toujours des bons arguments si tu es prêt à payer le prix. Je pense que tu touches pas mal au problème le plus important, je dirais, lorsqu'on vient pour juger est-ce que tout le monde a le droit peut accéder aux tribunaux ou peut obtenir justice, c'est est-ce qu'on peut avoir un avocat. Aux États-Unis, on fête cette année le 50e anniversaire de ce principe-là. C'est un monsieur qui s'appelait Gideon, comme Gédéon. Comme la Bible. Ouais. La Bible de Gédéon. La Bible de Gédéon qu'on voit qu'on trouve dans les hôtels. On aime bien ça. Qui avait écrit une lettre à la main à la Cour suprême des États-Unis pour dire, écoutez, j'ai été condamné, j'ai pas pu me payer un avocat. Et puis, la Cour suprême, en 62, a accepté d'entendre ce monsieur-là qui est venu conter un peu son histoire devant les juges de la Cour suprême et qui avait pas beaucoup de moyens, il avait pas de formation juridique non plus. Et après avoir entendu ça, en 1963, donc il y a 50 ans, la Cour suprême des États-Unis a établi ce principe-là. On dit, écoutez, si... Avec la complexité que ça peut représenter de se défendre devant une cour de justice, si on n'a pas d'avocat, ça n'en revient. On vous en fournira. C'est ça. Il va peut-être falloir que le gouvernement, si on veut que les gens puissent avoir accès à la justice, ça va leur prendre un avocat. Oui. Et ici, au Canada, on a instauré, en tout cas au Québec, on a instauré le système d'aide juridique. Il y en a dans chaque province, mais celui du Québec est... C'est une sorte de réponse à cette question-là, à ce principe-là. Et les gens ont droit, en principe, à un avocat s'ils ont des moyens financiers qui leur permettent pas de s'en payer un. C'est un beau principe. Ça a été accepté dans les années 70. Par contre, on a passé à peu près 20 ans à pas augmenter le seuil d'admissibilité à l'aide juridique. Donc, les gens, pendant à peu près 20 ans, l'inflation puis a fait en sorte que l'aide juridique est devenue de moins en moins accessible. D'autre part, ce qu'on paye aux avocats pour faire un procès sur l'aide juridique, c'est des montants qui sont des montants forfaitaires. Si vous êtes accusé de quelque crime que ce soit, un crime relativement sérieux, ce que le gouvernement va vous donner donner à votre avocat pour vous représenter, c'est une somme de 550 $ à peu près. Il y a des gens, quand on parle d'égalité devant la loi, prenons par exemple les syndicats de policiers qui négocient avec l'État. Lorsque, dans les conventions collectives des policiers, souvent, si un policier fait l'objet d'une accusation criminelle, il aura droit à un avocat payé par l'employeur. C'est vrai pour les municipalités aussi souvent, puis c'est pas un mauvais principe. Par contre, je pense que la facture de 550 $ que l'État reconnaît comme étant le prix pour défendre un citoyen qui n'a pas les moyens, ça va représenter peut-être les deux premières heures de rencontre de la personne qui bénéficie. Je parle de policier, mais ça peut être d'autres corps de métier là, où on est représenté, où l'employeur paye notre représentation. Puis l'employeur, c'est souvent le gouvernement, dans le cas des policiers. Puis, donc, c'est un peu paradoxal que le gouvernement, ça c'est un petit commentaire de ma part, mais on dise que tout le monde est égal devant la loi, tout le monde a droit à une défense pleine et entière, mais si vous êtes sur l'aide sociale, si vos revenus sont inférieurs à 13 000 $ pour une personne seule, ou 22 000 $ ça va jusqu'à 22 000 $ pour une personne ayant deux enfants et plus. Okay. Mm-hmm. Vous voyez comment les critères sont assez serrés. Oui. Deux enfants et plus, si tu es rendu à 8, je pense qu'à 22 000 $ en tout cas, que tu aies le même seuil d'admissibilité qu'une personne qui a deux enfants, ça peut être... déjà là, c'est très serré, c'est très restreint. Mais donner 550 $ à un avocat, je pense que c'est pratiquement inciter le système, en tout cas, c'est pas très payant de faire un procès. Ça peut inciter les gens beaucoup à plaider coupable ou à les avocats à ne pas étirer les procédures. Parce que lorsqu'on voit il y a même des juges qui ont été accusés pas nécessairement au criminel, mais il y avait une juge, le juge Ruffo, qui avait été comme qui avait parti un combat contre la magistrature, qui voulait faire des déclarations un peu plus qui allait plus loin que ce qu'un juge est autorisé à faire. Puis elle s'était battue un peu contre le conseil de la magistrature, ceux qui réglementent les juges. Et sa défense avait été assumée par l'État, et on parle de centaines de milliers de dollars qui avaient été dépensés pour payer ses propres avocats à elle, indépendamment des avocats du gouvernement qui étaient contre elle et tout ça. Alors que on a droit à 550 $, ben, il vaut mieux pas être accusé de quelque chose. Si c'est un procès qui dure 2 semaines, vous allez avoir de sérieux problèmes à trouver un avocat pour vous présenter adéquatement. Et c'est un peu ça qui a amené une autre évolution dans le système de financement public des litiges. Et ça a été dénoncé récemment dans certains médias populaires, particulièrement ceux de Québécois, où on voit des gros titres comme 11,5 millions de dollars donnés aux avocats d'un groupe qui fait l'objet d'une accusation à Montréal. Il faut comprendre que... Et là, on dit, regardez, là, les avocats des motards, dans le fond, qui sont accusés à Montréal dans le dossier Shark, se vautrent dans l'argent. Ils dépensent... Ils ont à date reçu 11,5 de vos millions de dollars de votre argent. Et on présente ça comme si c'était un party, dans le fond, fait aux frais de l'État. Outrage. Ben, c'est ça. Il faut comprendre. Là, ça, c'est la conséquence d'un autre problème, d'un autre constat qui a été fait, justement, à cause des limitations des systèmes d'aide juridique. C'est que l'État a entrepris depuis au moins une vingtaine d'années ce qu'on appelle des méga-procès. On fait des opérations spectaculaires, très médiatisées, on arrête une multitude de personnes et on peut accuser 25, 50, 100 personnes dans le même dossier. Donc, là-dedans, il y a des petits joueurs, il y a des gros joueurs. On accuse des gens d'avoir commis une multitude de crimes. On met des accusations de gangstérisme et tout ça. Et toutes les personnes qui ont le moindre rôle à jouer dans ce grand dossier-là sont toutes accusées ensemble. Donc, on a des gens qui se retrouvent avec des rôles qui sont marginales. J'ai déjà vu des dossiers où l'implication, par exemple, de mon client serait sur une journée. On a une enquête qui dure 3 ou 4 ans, mais l'accusé se retrouve pris dans un procès qui va durer 6 mois, qui va durer 1 an. Ce que les médias rapportent pas, c'est tout le budget que l'État a consacré à monter ces enquêtes-là. Et puis, tout l'impact que ça peut avoir aussi sur les personnes qui sont souvent... dont l'implication est vraiment minime. Le citoyen, même un citoyen qui travaille, un citoyen qui gagne un salaire qui est normal, se retrouver dans un procès qui va durer 1 an, payer un avocat pendant 1 an, là, c'est au-delà de... on parle pas de gens qui sont sur l'aide sociale, on parle de gens qui travaillent. Là, il faudrait que les gens perdent leur maison, qui perdent leur fonds de pension, qui mettent tout l'argent qui est à leur disposition pour pouvoir se défendre par rapport à des accusations. Et si jamais ils sont déclarés non coupables de ces accusations-là, ben ils auront tout perdu. Là. Mm. Et là, disons que le fait que le gouvernement a voulu lancer ces grands spectacles-là, ces grands procès-là, sans vraiment tenir compte de ce problème-là pour les accusés, ben on s'en est venu à dire, ben écoutez, ces gens-là, ce sont des grands criminels, ceux qu'on accuse, donc ils ont des fortunes à leur disposition. Et ce qui est un peu un préjugé, ça peut être vrai pour certaines têtes dirigeantes dans certaines organisations, mais les gens qui sont le gros des gens qui sont accusés dans ces dossiers-là n'ont pas des moyens énormes. Et c'est encore plus vrai de quelqu'un qui serait innocent. Dans le fond, la seule façon... La pire injustice, elle serait pour la personne qui est innocente, dans le fond. Oui, parce que c'est si vrai. C'est vrai l'accusation qu'on porte... Il faut être coupable pour pouvoir se le permettre parce que tu as dealé plein d'argent, puis de la drogue, puis des enfants. De exactement. Ah, wow. Donc, les gens qui se retrouvent là par erreur, ben eux... c'est ça. Eux, la sentence est déjà rendue. Ils vont tout perdre à la fin de... Et là, il y a eu... les tribunaux ont comme réagi à ça et ont forcé un peu le gouvernement à... aller plus loin que les seuils minimums qui étaient accordés. Et lorsque quelqu'un fait la démonstration qu'on le met devant un procès qui n'est pas gérable pour un être humain, ben, on a fini par conclure qu'il y aurait des tarifs différents qui pourraient être donnés pour lui permettre de se payer un avocat puis de pouvoir se défendre. Donc, je pense qu'on n'a peut-être pas atteint encore la perfection, l'égalité de tout le monde devant la loi. Puis la société, il n'y a personne qui on n'est pas tous égaux non plus dans la vie. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits. Puis peut-être que dans l'avenir, tout le monde pourrait être défendu adéquatement puis il n'y aura plus de ces injustices-là. Espérons-le. Espérons-le. On salue la reine. Ben oui, en passant, par le passage. En passant. Oui, il faut être poli avec elle, c'est parce ça. Que c'est elle qui nous poursuit. Alors, merci Michel Lebrun. Et on te retrouve mardi prochain à 8h pour une autre chronique Panier à salade. Et justement, pour se quitter, on va dédier ça à la reine. C'est une pièce de la descente du coude. Voici Simon contre la reine. Oh. Ben voilà. Ah ben. Pourquoi pas? Les hommes en robe ont le corps à tirer. Au retour, on découvre de la musique internationale avec Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. Parle le track, là. Parle le track. T'as-tu parti le track? C'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U. 89-1. Le plan de demain à assemblage requis. Stéphanie Paradis parcourra avec nous le plus récent numéro du journal Zone Campus. Marie-Pierre Laforge-Bourret nous présentera sa chronique aléatoire, etc. On achètera des produits qu'on peut pas vraiment se permettre dans 5 minutes, ça devrait répondre là. C'est demain 7h à assemblage requis, soyez ici. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. C'est vrai ça, c'est pas vrai? Moi j'adore ça. C'est vrai. Toujours Assemblage requis, il est 8h35, Jean-Philippe Charbonneau est là. Oui, Mathieu Plante aussi. Mm-hmm. Et on accueille tout de suite, dès à présent, notre ami Kiwan en direct de l'Alberta. On va aller un petit peu plus loin que d'habitude, fait que j'espère qu'il va checker son millage pour faire rembourser par Sifu. Oui, puis checker l'huile, puis tout. Checker l'huile? Le windshield washer? Ouais. On parle bien. Voici Kiwan en cavale. Bonjour Kiwan! Bonjour! Ça va? Oui, ça va bien vous? Eh oui, on va bien. Tellement, tellement bien! T'es toujours en direct de l'Alberta, comme toujours, notre reporter outre-province? Oui, toujours, toujours en Alberta. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on fait un petit tour plus international de la musique. Là. Oui, ben j'ai essayé, dans les dernières semaines, là, je vous ai présenté pas mal de musique canadienne, puis je me suis forcé pour vous passer des groupes locaux albertains, puis j'ai décidé que j'allais essayer... à l'avenir, dans chaque chronique, de vous présenter au moins un groupe albertain. Mais étant donné que je voulais pas vous étouffer non plus dans une culture country-ish ou trop folk, ben je vais essayer de varier avec un groupe albertain. Je vais essayer d'aller un peu plus loin après ça avec le reste. Donc j'ai un petit groupe scandinave aujourd'hui pour vous. Mais je commence tout de suite avec mon groupe albertain de la semaine. Il s'agit de Scenic Route to Alaska. Non, pas Alberta, Alaska. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est un groupe de Edmonton, c'est un trio qui s'est formé quand même assez récemment. C'est des amis d'enfance qui avaient l'habitude de jouer ensemble, là, de jammer ensemble. Puis il y a un d'eux qui est allé habiter à Montréal, en fait, pour étudier la musique à l'Université McGill. Et puis, un été, les deux autres ont décidé de le rejoindre là-bas juste pour le fun. Puis ils ont décidé, pendant qu'ils étaient à Montréal, d'enregistrer un petit démo de 3 pièces. Et puis, quand ils sont revenus ici, on commençait à faire jouer ça un peu partout, dans les radios communautaires, universitaires. Puis ça a eu quand même un bon succès. Donc, ça les a amenés à faire même des festivals ici dans le coin, des festivals de musique folk. Et puis, l'été dernier, ils ont sorti un premier album complet qui s'appelle All These Years. C'est un son, donc, assez folk, un peu rock quand même. Je dirais que c'est du folk rock. Puis c'est drôle parce qu'avant même de connaître leur histoire, quand j'entendais de leur groupe, je trouvais que ça sonnait comme un projet, comme un groupe de cégep. Tu sais, c'est très bons techniciens, ils seront des bons musiciens, ils ont une très bonne technique, mais ça manque un peu de... Oui, ça manque un peu de production, puis ça manque aussi surtout des fois de trip, ça manque un peu de couilles. Oui, exactement. Certaines valeurs artistiques, je dirais, ce serait une autre façon de le dire. Bon, c'est la même chose, hein? J'appelle mes couilles ma valeur artistique il y a tout le temps. C'est ta plus grande valeur, d'ailleurs. Vous allez voir, là, ça reste quand même assez conventionnel comme folk rock, mais c'est un groupe qui est quand même un certain succès ici. Ils sont d'ailleurs présentement en tournée albertaine. Ils vont être à Calgary vendredi, je crois, puis là, ils font un petit tour. Ils arrivent de la Colombie-Britannique. En fait, ils sont partis de Vancouver, puis ils font une petite tournée de l'Ouest canadien. Eh bien, cool! C'est Scenic Route to Alaska, ça. Exactement. Parfait, on va l'entendre en débutant le bloc à la fin. Oui, et puis un autre artiste qui est un peu dans ce style-là, c'est un artiste qui a été découvert dans la foulée de South by Southwest, un artiste dont on a beaucoup entendu parler, dont entre autres Pitchfork a vraiment beaucoup parlé. C'est un peu la, ça a été, je crois, pendant un certain temps, la nouvelle chouchou de, de Pittsburgh. Peut-être que vous en avez entendu parler. L'artiste s'appelle Torres. Non, malheureusement pas encore, mais je suis bien content de l'entendre parler là, là. Elle vient de Nashville, Tennessee, donc ça peut vous donner une petite idée du style de musique qu'elle fait. Yeehaw! C'est pas de l'électro-punk rock, évidemment. Donc oui, c'est pas très country par contre là, c'est vraiment plus folk, c'est une musique très calme, c'est souvent les pièces sont souvent seulement voix guitare ou des arrangements très très subtils, des arrangements de cordes assez légers, mais c'est vraiment très bon. J'aime bien ce que Torres fait. Son premier album est sorti en janvier dernier, donc ça fait 2 mois environ. C'est quand même tout récent et tout chaud. L'album s'appelle Torres d'ailleurs. Merveilleux. On entend la pièce Come to Terms de Torres. Et on va finir avec mon groupe préféré, le groupe, un groupe que j'ai découvert récemment et que j'écoute vraiment tout le temps ces temps-ci. Ils viennent de la Suède. Ils viennent de... oui, c'est ça, exactement. Ils viennent de la Suède. Le groupe s'appelle The Deer Tracks. Ils étaient en tournée canadienne, en tournée en fait nord-américaine récemment. Ils sont eux aussi passés par South by Southwest. Mais ils étaient à Montréal juste un peu plus tôt, là, peut-être 3 ou 4 semaines. Ils étaient à Montréal, ils sont venus dans l'Ouest canadien aussi. Ils ont fait vraiment une tournée complète des États-Unis. C'était évidemment une tournée qui était quand même assez peu médiatisée. Ils jouaient dans des petits bars, ils jouaient dans des petits endroits. Donc, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas entendu parler étant beaucoup de ce groupe-là. Mais c'est vraiment un très, très, très bon groupe. Comme je disais, le groupe vient de Suède et il y a environ 2-3 ans, ils se sont isolés dans leur chalet, dans la forêt suédoise pour composer un album. Et ça a été tellement productif, ça a sorti non pas un album, mais 3. Donc, ils ont sorti un album qui s'appelle The Archer Trilogy. Donc, c'est vraiment un album en 3 parties. La première partie est sortie en mars 2011, donc ça fait un petit bout quand même. Et la troisième partie vient tout juste d'être sortie. Donc, l'album a été composé d'un trait, mais on a décidé de sortir les 3 parties à environ 1 an d'intervalle chacun. Donc, la dernière partie est sortie tout récemment en février 2013. Et moi, j'ai plutôt choisi de vous présenter une pièce qui vient de la première partie. Donc, la partie 1 de The Archer Trilogy, la pièce s'appelle Ram Ram et c'est vraiment très, très, très bon. C'est, vous allez voir, c'est très, très catchy. Là. Ça a quand même un potentiel commercial. Je dirais, c'est de l'électro, musique électro-pop. Et c'est tellement, tellement accrocheur. Vous allez l'entendre une fois, puis vous allez vouloir la réécouter toute votre vie. Ben là, c'est ça que j'ai le plus hâte d'entendre. On va l'entendre à la fin du bloc qui va débuter dans quelques minutes. Je l'ai gardé pour la fin parce que vraiment, ça va ensoleiller toute votre journée. Oh, malade. Hey, parlant d'ensoleiller notre journée, ouais. Vas-y donc, hein. Jean-Philippe, sur la c'est question. C'est quoi la température? Mais là, ouais, c'est quoi la météo? Cette semaine, il fait quand même très beau, je dirais. Puis on est dans la période de l'année où on passe de la chaufferette au climatiseur là en dedans de quelques heures. Donc le matin, on se lève, c'est froid, les vitres sont gelées. Puis au milieu de l'après-midi, il fait comme 18 degrés. Donc c'est un peu bizarre présentement, mais c'est une période de l'année quand même typique, le printemps, pour avoir des changements de température. Mais sinon, il fait vraiment très beau là. Je sens, j'ai confiance que l'hiver est bel et bien terminé ici. On se le souhaite. Nous aussi, on se le souhaite. Oui, quand même aussi. Mais je pense plus aux autres qu'à moi. Ouais. Donc, autre chose, Kiwan? Non, c'est ça tout. Va. Merci beaucoup pour ta chronique, Kiwan en cavage. J'espérais ne pas t'avoir coupé d'une phrase tantôt. Donc, on se retrouve dans 2 semaines, toujours les mardis, vers les 8h30-40 dans ces coins-là. Donc, aux 2 semaines à l'Assemblage Rocky. Merci encore. Exactement. Donc, je me donne 2 semaines pour découvrir un nouveau groupe albertain. Je suis sûr que t'es capable. Pas facile. On commence avec CD Crowd to Alaska. Voici Mountains au 89.fm. To the mountaintops, I'll keep a tight watch on my heart these days. Deadbolted and double locked, despite what everybody is saying. But I found out how to open up a broken heart without getting hurt. Without break of day, you'll be right where I left you by my side. Need an ear, heart to heart, our eyes just seem to perfectly collide. But I found out how to open up a broken heart. I killing me. Je pense pas qu'on va savoir d'ici la fin si c'est un gars ou une fille. Féminin ou une fille masculine, la deuxième personne. Mais on sait qu'on aime beaucoup The Deer Tracks et la pièce Ram Ram à Assemblage Rocky dans le collège de Kiwan en cavale. Vraiment très, très, très bonne. C'est ma préférée. C'est un groupe duo qui vient de Stockholm en Suède. Mm-hmm. The Deer Tracks. Avant ça, on a entendu un groupe de Nashville, Tennessee. Torres avec Come to Terms. On a débuté avec Mountains de Scenic Route to Alaska qui vient de Edmonton en Alberta. Ça explique peut-être la fille blonde. La jolie blonde suédoise. Non, mais, j'ai un coup de cœur pas mal intense là, pour la jolie blonde. Là. Mm-hmm. Pendant que ma blonde n'est pas à l'écoute parce qu'il est passé 8h30. Ouais, c'est vrai. À cette heure-là, on est bien. Ça va. on est loose. Allez voir la pièce Ram Ram qui est en lien sur assemblagerequis.com. Voilà, on va écouter, on va retourner en musique et entendre Rouge Pompier, un minuscule moment francophone ensemble. Après ça, on revient se dire bye, ça te va? Ben, écoute, moi, ça me va tout le temps. Puis on remercie encore Kiwan. Ben oui, c'était super. Moi, j'aime ça, ces découvertes. Ouais, c'est une belle découverte blonde. Ouais. Ça brosse! Jean-Denis Sable de Rouge Pompier à Assemblage Rocky, c'est là-dessus que se termine notre émission d'aujourd'hui! J'avais tellement un blanc, là, j'étais parti, là, je regardais le canevas. Ouais. Puis là, j'étais là. Parce que j'écris tout le temps la date. Ouais. C'est vraiment un fait anodin, mais j'écris tout le temps la date puis notre émission. Ouais. Pour, comme ça, ça vous permet de savoir. C'est un formulaire, c'est ce qui est demandé. Là, ouais, c'est ça. Puis après ça, Mathieu peut prendre ça puis mettre ça sur le blog. Exactement. Comme ça, vous avez écouté des chansons que vous avez aimées, vous pouvez savoir c'est quoi. Mais là, j'ai inversé. J'ai mis Assemblage Rocky, puis la date, puis là, j'étais perturbé. Ah, ben non. Aïe, aïe. Ah, OK. C'est tout. C'est vraiment pas grave. On se quitte, et puis on remercie les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire Michel Lebrun et Kiwan La Liberté. Oui. Bravo à tous les deux. On se retrouve demain entre 7h et 9h, et demain, on aura Stéphanie Paradis avec sa chronique sur le Zone Campus. On aura Marie-Pierre Laforge-Bourret qui va nous parler sûrement de cinéma en sa chronique aléatoire, etc. On va aussi faire 16 pistes, ça devrait pas, on l'a demain, donc cacher des choses inutiles. On adore ça si vous nous écoutez en direct sur le 89FM et sur safe.ca. Vous pouvez aussi télécharger les balados de diffusion, les notes de l'émission sur assemblagerequis.com, sinon facebook.com/assemblagerequis, twitter.com/assrequis, et puis courriel pour les vieux jeux, assemblagerequis@gmail.com. Puis sinon, on est en direct tous les matins de 7 à 9. Oh yeah. Puis, dans les studios de Trois-Rivières. Mais ça. Et pour quelle émission est-ce que les gens devraient rester à l'écoute, tu penses, mettons? Moi, je pense qu'il y a Dîner de con qui s'en vient. Pas mal ça, hein? Mm-hmm. Pas mal ça. Et puis après ça, qu'est-ce que tu dirais de rock classique? Oui, version longue. Pour la dernière fois, après ça, on va avoir des petites surprises, des petits genre de meilleurs moments de Mélon Miel et Jules Bruxelles. Oh, peut-être. Qui va jouer à partir de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on se quitte avec une pièce du palmarès francophone. Voici Absinité de Saran Rap. Bonne journée. Ah ben, Mathieu, à demain. Bye bye. Ça brasse aussi. Wouhou! Bon, poisson d'avril x2.